l'argent. D'accord. Et vous en dépensez moins qu'avant. Ah ah. Tant mieux. La sagesse, tant mieux. Vous la perdez à vous malgré vos soucis. Et d'accord. Une fois plus, créativité dans la tête. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez la créativité dans la tête. Oh. C'est ce qui apporte de l'argent. Oui, c'est en fait, vous êtes juste envers vous-même. Vous tolérez tel que vous êtes. Tout à fait. Enfin, vous acceptez. Quand mon même... micro ne marche plus. Ah, si, il marche. J'essaie, en fait, au fil des années, au fil de l'eau, au fil du temps, j'ai appris à accepter qui je suis, avec mes défauts, mes failles. La perfection n'existe pas, mais je m'accepte comme je suis maintenant. C'est un chemin laborieux que de trouver, se trouver le soi-même. Le ruisseau coule. Le ruisseau coule. Et les clapotis de l'eau, clac, clac, clac, tic, les grenouilles passent. Et elles ne trépassent pas, les grenouilles. C'est les gens qui sont dans le train, qui ne se parlent pas, qui sont là comme des robots, qui me font peur. Pas les grenouilles. J'essaie, en fait, au fil des années, au fil de l'eau. J'ai mis juste un écho de ta voix. Après, ah, écoutez, ça m'a tellement surprise que ça m'a complètement... voilà, une sorte de c'est l'émotion. Suspension temporelle. C'est l'émotion. Suspension temporelle, c'est l'émotion. Mmh. Alors, je suis quelqu'un de très émotif. Et de toute façon, moi, je dirais le visage. On dit que le visage, bah, c'est le miroir de l'âme. Mais je dirais, moi, que la voix est aussi une couleur de l'âme. Eh bien, continuons comme ça. Et nous allons écouter une petite musique de Dadju, qui est... Oh. Avec plaisir. Ensemble. C'est bon, là, s'il te plaît. Non, c'est pas bon. Bon, mais peut-être pendant que ça... Un vrai merci à Dune. C'est excellent, Dune, ta voix. Comment tu apportes à la radio. C'est vrai, c'est tout le monde est là. Merci beaucoup. Hein. Tu nous fais du bien, en fait. Merci beaucoup. Et là, on écoute un peu la musique avant que Loïc va montrer un peu son répertoire, et pendant que on est un peu tous au ralenti là à la radio, là c'est aujourd'hui avec la chaleur. En ce moment, je sais pas, il y a un problème mécanique, je sais pas quoi, de raisonnement. Il faut écouter. Ah, oui, c'est bon, on va y aller. Je vais mettre peut-être un. Qu'est-ce que vous voulez écouter aujourd'hui? Je veux écouter Dadju, mais je n'arrive pas à le. À le quoi? Le capter, Dadju. Tout à l'heure, sur les Caetano Veloso. Mon soleil, Dadju de mon soleil. Vous avez Dadju de mon soleil? Qu'est-ce que c'est un capter? On va mettre une petite chanson alors. Tout à l'heure, on avait dit ça, les Caetano Veloso. Voilà, Dadju de mon soleil de Dadju. Et voici. Caminhando sobre o sol, gosto muito de você, Bianzinho. Para de entristecer. C'est Thierry Montal, France Cordy, toutes les versions, c'est pas grave. On va nous demander de patienter, nous avons un petit problème de musique aujourd'hui, décidément. Il arrive des jours comme cela, où on est un petit peu éparpillé, donc on va mettre autre chose. Nous pourrions mettre autre chose. plástica do dia dançando furacão. Pagou e devendo ainda se foi. Hoje correndo atrás do amanhã e depois. Hoje correndo atrás do amanhã e depois. On écoutait Nazan Soumbi. C'était magnifique. Nazan Soumbi, oui, il y a Loïc qui me disait que ça c'est pensé à. À comment ça s'appelle, la Sepultura. C'est ça. Et l'autre micro, il est 4, non ça. Vas-y, essaye. Allô, oui. Ouais, voilà. C'est ça, c'est bien ça. Aujourd'hui, avec la chaleur, on est tous un peu lents, tout ça, mais. C'est compliqué. Ça va. Un petit peu. Attends, numéro 5. Ouais. C'est quoi ton numéro de micro? 5, my number 5. Like this song. Oh yeah. Donc Loïc va nous. Siol, oui. Nom d'artiste, il va nous montrer, présenter d'abord et après montrer son nouveau projet. Vas-y. Alors, c'est pas mon nouveau projet, en quelque sorte, c'est une musique que j'avais faite auparavant quand j'avais rencontré June, qui est ici présente. Oh là là, je l'avais faite juste après que l'on ait fini la radio. C'était pendant la semaine qui suivait. Et j'avais pour objectif de lui présenter la musique le mercredi prochain qui allait venir. Mais elle n'était pas là. Non. Tu n'étais pas là, du coup. Je me suis envolé dans les airs. C'est ça. Mais maintenant, comme une libellule. Maintenant, vu que tu es là, je vais pouvoir te la mettre et tu vas pouvoir l'écouter. Un plaisir, c'est un plaisir, je suis très émue d'entendre ça, émotion, je vais écouter. C'est parti, vous êtes prêts? Oui. Ok, c'est parti, on y va. Acid Burn. Acid Burn. Acid Burn. Acid Burn. Sortir de mon rêve incroyable où je jouais mon avenir fictif, mais tout aussi palpable. 4 heures du mat, je me réveille automatiquement, je pense à elle. Car oui, aujourd'hui nous sommes lundi. C'est sa reprise, elle reprend le travail. Je lui souhaite bon courage. La paix et une bonne journée. Dune, tu es si libre, libre comme le sable des dunes. Dune, tu es si gentil, si élégante. Personne nous marcher dessus. Ne laissons personne dicter quoi faire à propos de nous. Nous sommes libres et fiers d'être aussi sensibles. Les pires moments, on les vit comme si on y allait y rester. Mais je te promets que tout passera, tout finit par s'arranger. Dune, tu es si libre comme le sable des dunes. Dune, tu es si gentil, gentil et si élégante. Élégante, gentil, élégante, gentil, élégante, gentil. Dune, tu es si libre, si libre comme le sable des dunes. Dune, tu es si gentil, si élégante. Dune, tu es si gentil, si élégante. Dune, tu es si gentil, si élégante. Acide burn, siole, acide burn, dune, dune, dune, dune, dune, siole. Oh mon Dieu, merci, merci, je suis émue, mais vraiment très très émue, c'est un cadeau inestimable que tu m'as fait là, siole, vraiment, j'en ai les larmes aux yeux, je suis émue, c'est très beau, c'est très lunaire, c'est très, on dirait un électron libre, voilà. Voilà, c'est un électron libre qui s'en va comme ça. Merci pour ta création. Ça me touche beaucoup. C'est une œuvre d'art. Oh, merci, merci. Non, ça, c'est moi qui te remercie. Ah, merci. Merci de m'avoir inspiré. C'est un artiste, tu es vraiment un bel artiste. Un très bel artiste. Les textes sont très beaux. Bon, c'est pas pour m'en lancer des fleurs, mais je pense que, voilà, je sais pas si je suis seulement moi. Je sais pas si je suis seulement moi. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je suis peut-être parfois trop ceci ou trop cela, mais je suis moi. Et je te remercie beaucoup. Vraiment, ça me touche énormément. Et toi aussi, tu es quelqu'un de formidable et tu es quelqu'un de... Tu es un poète. Et c'est pour ça que nos âmes se sont rencontrées, parce qu'entre poètes, on s'est tous reconnus. On s'est tous reconnus. Nos cœurs ont palpité au même moment, lorsqu'on était à la radio. Et lorsque nous avons discuté et fait du chemin ensemble en se promenant, on s'est compris, entendu. De la même planète, nous venons. Peut-être diffère-t-elle. La mienne s'appelle Juvénus. Elle n'existe pas. En tout cas, elle n'existe que pour les personnes que je désire faire inviter. Voilà. Tu es un invité, tu es rentré dans ma planète. Et voilà, je te remercie encore. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Ça m'a fait plaisir. Ça a fait plaisir de composer ça et... C'était vraiment un honneur. Merci. Merci. Merci à toi. Je suis extrêmement gênée. Passons à autre chose, s'il vous plaît, parce que vraiment, je n'ai pas l'habitude de tant d'éloges. le temps des loges. Ça aussi, ça sonne dans l'oreille, le temps des loges. Si on répète le temps des loges, le temps des loges, le temps des loges, à un moment donné, ces phonèmes ne veulent plus rien dire. Ce sont que des sonorités. Si la radio pouvait durer tout le temps, si nous pouvions nous écouter tout le temps, ça serait magique. Ça serait tellement magique. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, nous écoutons des créations comme celle de Siol, comme celle de mes camarades qui sont autour de moi. Et maintenant, nous allons passer le micro à notre ami Jason, qui va nous dire, qui va nous rappeler quelque chose de sublime que lui-même a créé. Il prend le temps, tranquillement, de poser les choses, il ne faut pas. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes un petit peu, fébriles. Le mot, c'est celui-là. Le mot fébrile, nous sommes un peu fébriles parce que la chaleur, parce que l'envie de vous faire, de vous plaire, l'envie de vous faire découvrir des choses. Je te passe le micro, mon très cher ami, à toi, livre à toi. Présente ta musique d'abord. Bienvenue, Jason. Tu peux nous parler de ta musique un peu C'est une musique d'Alonzo, Papa Allo. Tu vas mettre, c'est pas ta musique à toi, c'est que tu vas chanter dessus. Oui, je vais chanter dessus. Ok, Jason, tu vas parler ça. Et puis après, tu vas nous parler un peu d'Avicenne et toutes les choses, non? Oui. Ah, que je vais être hospitalisé. Si tu veux. Oui, oui, je parle de ça. Ok, vas-y, on t'écoute. Tout le micro est à toi, Jason. C'est pas branché. Faut que tu enlèves la carcasse de... La coque. La coque. Tu lèves la coque de micro, ça va le faire. Radio Metanoyart. On a changé de nom d'ailleurs, ça s'appelle Metanoyart. Comme l'art, finalement, c'est Yamina qui l'a mis parce que. Voilà, c'est Metanoia, bon. Transmutation de la pensée, plus l'activité, l'action artistique, tout ça, c'est chose qui se passe ici. Metanoia, radio en été, avec un été caniculaire, mais plein de joie. C'est bien. Elle est très, très, très, très émue. Vous verrez, ici à la radio. En plus, Siol, il a un maquillage incroyable sur son visage, entre noir et rouge, comme une espèce, je ne sais pas, un navigant de l'au-delà, qui vient à la radio. C'est comme un Sig Stardust. Un volcan, quelque chose de flamboyant, voilà, flamboyant. Et en même temps, des racines, des arbres sur la joue gauche, droite. C'est sublime, c'est magnifique. Ouais, c'est super. Avec un côté aussi qui fait un peu peur du côté. On va faire l'année prochaine, on va faire de live métanoïaque. Et là, Siol, elle va faire son show. Wesh, papa, allô. Tu es ton point de sous, bisous, allô. J'ai besoin de sous, ma vie, allô. Bisous, bisous, sous, mon fils, allô. Wesh, papa, allô. C'est chaud. J'ai besoin de sous, d'habits, allô. Un côté de renfo, j'en suis, allô. Allô. Ouais, je te donne un allô. Ils disent que tu veux riche, fils, c'est chaud. Mais tous, les filles, elles sont. Elles ont des besoins de toi, entre moi, allô. Ils te l'ont de mari. Allô, J'ai besoin de sous, d'habits, allô. L'école ça me rend fou, j'ennuie, allô. Allô, wesh les jambons, allô. Dis-tu ce que si tu es riche quand tu t'en fils, c'est chaud. Nous vivons tous, et si, c'est chaud. Que nous tous soyons top, mon père, moi, allô, allô. Allô, je veux te dire mon cœur, mon père, moi, allô, allô. La la la la la la la la la la la la. Je veux te dire bien, ne t'aime pas. Je te tiens du tout, mon cœur, moi, c'est ton papa. Super, merci pour cette chanson. Et parlez-nous un peu, quoi tes projets là? Tu nous parlais des... Que je vais être hospitalisé à la clinique de Villepinte. Ouais, c'est pas à Vicennes alors, c'est Villepinte. À la clinique de Villepinte. Ok, tu es prêt? J'attends la réponse. Prends un autre micro là. Avec le docteur Serra, on va en parler. Ok. Voilà. Quand tu veux, hein, tu peux le rencontrer sinon tu veux. Comme tu veux. C'est le docteur Serra qui m'a commandé cette clinique. Papa, Jean Verdier. Ouais, Jean Verdier, tu connais Mohamed? Je connais très bien. Ils ont assassiné mes parents. À Vicennes. Ça vaut pas la peine. Jean Verdier, c'est les charcutiers. Maintenant, je vais vous lire les faits du jour. La plateforme du défenseur des droits à haute écoute. 39-28. Encore méconnue, la plateforme est le moyen le plus direct pour faire reconnaître un traitement inéquitable auprès des juristes spécialisés. Nathalie Revenu. Il est tombé le Jérémy, c'est le RMI, le RSA, c'est pas pour moi. Merci Mohamed, continue Mohamed, le prophète, le remède, le poète. Il transforme un peu, je le parle, le roi Midas de la. Nous allons faire danser la Tour Eiffel. Clichy Plage, 10 ans déjà, ça se fête. Étienne Garcin, directeur de la communication de la mairie de Clichy-sous-Bois. Ziad Ebouna, peint leur âme. Ils ont eu un blâme. Ils n'ont pas été faire un cambriolage. Ils revenaient du sport. Cueillis le matin, leurs fleurs zéro, carbone sont livrées dès l'après-midi. Tous les bagages perdus sont restitués d'ici, ce mercredi soir. Tu veux manger des kebabs gourmets? Régale-toi. Paris et sa banlieue. En fait, il lit les journaux, il pas pour la radio, comme on ne voit pas. Mohamed, le prophète, le remède, le poète, il est en train de nous lire les journaux, mais à son style. C'est-à-dire abonnez-vous vite. 53% de réduction. Chaque jour, votre journal livré chez vous. Avant 7 heures. Avant l'heure, c'est plus l'heure. Avant... Je vais regarder le Quintet. Le CAC 40. DAX 40. Max, la menace. J'ai peur qu'on ait faim en Ukraine cet hiver. Pas de chance, c'est notre pays. On n'a pas d'endroit où reculer. L'argent aussi soutient le moral des troupes. Sur le kilomètre zéro de la guerre ou la mort. Ghetto, la rue. T'as mal lu la leçon? 4 000 $. T'es seul de tout compte. J'ai pas de compte. Je touche la cote REF. Je fais quoi avec 900 euros? J'achète des bananes et une Nintendo. La caravane du droit aux habitants, le mal logement. Je suis à la chambre 14. Demain, la météo. Aujourd'hui, il fait 34 à Paris. 15 à Orléans. 18 plutôt. 19, c'est Toul, la Corrèze. François-Hollande. 21, c'est la moutarde de Dijon. La Roche-sur-Yon, c'est 85. Verticalement, horizontalement, il faut les faire. Les mots fléchés, les mots croisés. J'ai pas le temps. C'est bientôt le traitement. J'attends M. Serra. Ce soir à la télé, comme d'habitude, ils veulent me mettre TF1, tête de français numéro 1. Antenne 2, ouvre tes yeux. France 3, c'est le désarroi. Désarroi. Canal Plus, l'Anal Plus. France 5, tu trinques. La 6, Didier Six, il jouait avec Rocheteau en 82. J'avais 12 ans. Arte, c'est la clarté. Ce soir, il y a la belle saison avec Cécile de France. J'espère qu'ils vont nous mettre la chaîne. À chaque fois, il faut demander la télécommande. On dirait qu'ils nous commandent. Madame Bonnefoy, elle est de mauvaise foi. Je préfère Aguilera. Elle n'est pas comme ça. Mais Madame Davo, elle est belle, elle est beau. Comme le temps passe. Reste sur place, tu jusseras des glaces. Si je débite, tu y arriveras vite. Hey, bravo. Bravo, Mohamed. Bravo. C'est unique, hein. C'est là. Enfin, tu vas faire comme magnifique. Ça. C'est comme ça, tu vas faire tous les mercredis, les journaux, tu vas les c'est lire. Magnifique. C'est magnifique. Ça fait plaisir d'entendre les nouvelles comme ça. Ah, excellent, ça, j'adore. Totalement. Vraiment, c'est frais. Je joue pas à l'auto, c'est malsain. Non. Quelqu'un doit jouer pour toi. On joue à l'auto ou pas? Dis-nous, t'as non. Les chiffres ou pas? Le numéro complémentaire, au moins. Tu vas jouer le 10. Le 10? Au quinté, oui. Demain, il rentre. 10 de pique, pique ton cœur. 10. Tu mets le 10, demain au PMU. 10. Il rentre. C'est pas un tocard. Il rentre direct. Tu vas toucher. Il faut que je mise sur un bon cheval, alors. Le cheval fiscal. Le plus beau des chevals, oh là là, la faute est énorme. Je crois que le soleil a vraiment tapé sur ma tête. J'ai dit le plus beau des chevaux. Cadra. Oh, hein, c'est d'une. Cadra. C'est d'une. La seule solution, le peuple en action. Le peuple en action, nous sommes en action. Action, action, réaction surtout, réaction. Mohamed, vraiment, tes textes sont magnifiques. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. On ne s'est pas caché. Ils nous ont délogés. Ils les ont délogés. J'habitais au marché. J'ai fait 2 jours de GAV. Et ils sont partis où alors? Tu parles de la gentrification, mouvement incroyable qui se passe où Montreuil est dépeuplé de sa population première. La boissière, maintenant, la les bobos boissière. Sont arrivés et ont dépassé le place. Les limites sont dépassées. La gentrification. Poussez-vous pour s'y mettre. Vous étiez là, mais on s'en fiche de cela. Très bien, Cadra. Maintenant, je vais vous dire un mot. Le loto. Je joue pas les bons numéros. Tu vas perdre. Il n'écrit pas. Il est temps de descendre. Avant qu'on nous descende. Avec leur putain de cachet. Le Valium. Le Terralen. Pourquoi tant de haine? C'est vraiment pas la peine. Ton Lenken. Tu la mets où je pense. Et repense à ce que je t'ai dit. Pierrot, c'est mon poteau. J'arrive pas à le joindre. C'est pas grave. J'espère que tu vas bien. Pareillement. J'attends M. Serra, il va pas tarder. Il est 48. Il donne le traitement. J'aime pas le traitement. Il me fait pivoter. Recule. Avant qu'on t'encule. sur la corniche. Je connais Cannes, le festival. J'ai été en 86, Mexico, 86. J'avais 16 ans. J'habitais à rue des Écoliers. Sortie d'autoroute, Mondina. Le nord, je préfère quand il fait froid. 200 froid, je me sens mieux. Je peux improviser sur n'importe quel ton. Le son, c'est ma passion. J'écoute Génération. Branche-toi à 6 heures du matin. Avant la relève. Bobo, il va avoir des bobos. Et Rodet, il n'arrête pas de roder. Il veut pas qu'on fume dans les chambres. J'attends des cigarettes à 19h15. C'est pas que je suis dans la merde, mais le remède, c'est moi-même. Monsieur Martin, tout va bien. Heureusement que vous êtes là. Sinon, on ne serait plus là. Celui-là, c'est pour vous. Trahison au sein de notre population. N'être traître est une malédiction. Ta mère t'appelle Mamadou. Tu prends le nom de Andrew. Tu revendiques l'Amérique. Tes origines sont d'Afrique. Qui à lui seul pourrait stopper la famine dans l'Afrique. Merci. Hein. Sans toi, on ne sera pas là. Hein. C'est incroyable ce que tu apportes, la poésie que tu donnes à tout ce qu'on fait. C'est vraiment top. Merci, Mohamed, d'être là et d'avoir cette capacité de la poésie d'improviser, de mettre des choses. Je vous en prie, monsieur Martin. Tout le respect. On vous a pas manqué de respect, que je sache. Si vous n'étiez pas là, on serait peut-être en isolement. L'isolement, ça fait 17 mois que je suis là. Mes parents sont morts en janvier 2021. Ma mère au mois d'avril. Je suis né le 12. Elle est morte le 17. La Rochelle. Les francophonies. Jean-Louis Foulquier. J'ai côtoyé. La Rochelle cette année, il n'y a pas eu d'artistes. Les artistes, ils sont chez M. Martin. Bien dès le matin, tu iras le self, pas le self-service. Moi, je me mets devant la tisanerie, j'attends des conneries. Maintenant, je vais donner la parole à M. Martin. Merci Mohamed pour ta beauté, ta poésie, vraiment. Là, on va faire, on nous reste 9 minutes, on va faire une improvisation tous ensemble, il y a Dune, il y a Siol, il y a Jason, il y a Mohamed, il y a Farouk, même s'il est en silence, il est là. Tu parles trop fort, en plus t'as tort. Quel intérêt? Maintenant t'as des remords, comme les loupards qui reçoivent des cocards à cause d'un mec à qui t'as donné rencard. Stop, emballe ta caisse, fais preuve de dignité, mais aussi de sagesse. Laisse courir le bruit à ton propos, oui car maintenant tu parles trop. Après-midi magnifique. Tu nous as fait des poèmes. Tu nous as. Continue si tu veux, Mohamed. Je sens que tu es inspiré. Si tu veux, je te redonne le phone, le microphone. Le microphone. Tu préfères le téléphone. Tu préfères le téléphone ou tu veux le micro? Le microphone. Tu préfères le téléphone. Allusion à un groupe téléphone, téléphone. Parlons-en du téléphone, téléphone, téléphone. Parlons-en du téléphone. Tout le monde est accroché à son téléphone. Réveillez-vous, soyez conscient. Réveillez-vous. Attention Zoulou, il ne faut pas la salir. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Restons conscients. conscient, mon ami. Restons conscients, Mohamed. Réveillez-vous. Les amis, réveillez-vous. As de pique, pique ton cœur. As de pique, pique ton cœur. Demain, je vous le dis. Tu mets 10 balles sur le 10. J'ai mis 10 balles sur le 10. Qu'il avance vite. C'est pas un tocard. C'est pas un tocard. Il vient de loin. C'est pas un tocard, non. Demain, il court à Vincennes. Un chevalier, mon ami. Ou à Enghien. Enghien-les-Bains. C'est pas bien. Quand t'as pas tes papiers, reste chez toi. Ou on te ramène chez eux. Du poulet. Je dois sacrifier du poulet. Pas de fête quand j'ai pas vu la fête. Est-ce que tu le sais? On a 6 minutes, merci beaucoup à l'improvisation là, pour les métanoïaques. Et Pedro, est-ce que tu veux parler de quelque chose avant qu'on a, on a encore 5 minutes? Avant de finir, tu peux prendre la parole. Nourrissez-vous de vertu, de poésie, de musique, d'amitié et d'amour. Bonne fin de journée. Ouais, merci, t'es super, super, super science. Incroyablement bien. Ça le fait, hein, Loïc, là, c'est notre percussionniste attitré. Dune, Jason. On va essayer de mettre une petite musique pour finir, si on a le temps, là. Sinon. Ouais! Alors, on a 3 minutes. Qu'est-ce que vous voulez dire au micro? On a 3 minutes. Si vous voulez dire quelque chose au micro, c'est maintenant ou jamais. Jamila. Vas-y, 2 minutes pour toi. Jamila, prends le micro. Ah, on t'attendait. Vas-y, vas-y. Bonjour à tous. Alors voilà, c'est Cham, la guerrière qu'on appelle au commissariat, qui est toujours en train de dire ce qu'elle pense, ce qu'il faut savoir dans la vie. Bon, ces temps-ci, je n'ai pas trop regardé les informations, à part, je n'ai pas vu de guerre. Je ne sais pas, j'entends plus parler de Poutine, à moins qu'ils en parlent. Enfin, j'en sais rien, je me concentre sur mon avenir. Parce qu'en restant en psychiatrie, malheureusement, tous mes papiers ont été stoppés. Donc je dois refaire tous mes papiers. Ce qui était rigolo, c'est que quand j'ai été à la mairie de Bondy avec le papier de la police pour refaire ma pièce d'identité, ils m'ont dit, mais non, la police n'avait pas tapé sur ce, mettre un tampon sur ce papier. Ils ont refoulé. Donc je ne sais plus où je dois aller, je n'ai plus d'identité. J'ai plus d'APL, j'ai plus rien. Je vis d'amour et d'eau fraîche. Ouais, mais ici vous pouvez trouver un nom à la radio. Hein. C'est quoi ton nom ici? Tu peux te Moi, c'est Cham. C'est Cham. Voilà, Cham. Mais moi, je vous dis. Attends, s'il te plaît. Je vous dis, franchement, la vie est belle. Surtout si vous avez un. Ah, ça va, beau gosse. Surtout si vous avez un amoureux qui vous soutient, comme moi, le mien m'a beaucoup soutenu à l'hôpital. Ça m'a beaucoup aidé. Parce que l'hôpital, c'est très difficile. Il faut avoir un mental. Moi, quand je voyais des mamans à l'arrêt du bus qui disaient « Mon fils, il était à l'hôpital, il s'est suicidé. » C'est malheureux parce qu'il n'y a pas assez de communication dans la famille. Pour éviter ça, il faut communiquer. Il faut dire pourquoi. Il ne faut pas mettre ses enfants en psychiatrie. Il ne faut pas faire des choses. Il faut communiquer. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je suis très contente d'être sortie. Mais il fait très chaud. Non, je ne suis pas SDF, je suis sans ressources. Ce n'est pas pareil. J'ai un toit, mais je n'ai pas de quoi me nourrir. La société d'aujourd'hui est très compliquée. On me demande je ne sais pas combien de papiers. Je fais les démarches. Et grâce à Dieu, j'espère que tout va rouler comme avant. Bon, mais ça va. En tout cas, tu as ta place ici à la radio. Oui. On va finir avec un morceau de The Beatles. Tomorrow Never Knows. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer demain. Hein. Qu'est-ce qui va se passer demain? Demain, c'est loin. Demain, c'est loin de Hayam. Est-ce que vous connaissez Demain, c'est loin de Hayam? Une belle chanson d'amour. Je vous conseille une belle chanson d'amour. Little MC, laisse faire le tempo. Ça commence comme ça. Chérie, laisse-moi te regarder ou mieux te contempler. Ce n'est pas difficile, facile. Je vais tester, te faire des bisous partout dans le cou. Oh ma chérie, je t'aime beaucoup. Sans te mentir, je voudrais te dire et que c'était Little MC, laisse faire le tempo. Allez, au revoir, bisous. Thank you. C'est pas grave. Demain c'est loin. N'ayez pas peur. Demain c'est loin, comme dit Mohamed, n'ayez pas peur. Demain ça va changer. Venez à Radio Métanoïa qui vient. On est là pour vous.